cours numéro 15. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. انتهينا في درسنا الأخير من القاعدة السادسة في الصفات. On a fini dans le dernier cours ensemble la sixième règle concernant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. نقرأ السابعة. قال الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى القاعدة السابعة صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. تقدمت معنا هذه القاعدة في قواعد الأسماء les règles concernant les noms d'Allah سبحانه وتعالى. تقدمت قلنا هذه القاعدة معنا في الأسماء أي أن الأسماء توقيفية وهكذا الصفات توقيفية. فما معنى قول المؤلف رحمه الله توقيفية؟ تفضل. معنى هذا أن نقف عند النص. نعم، أي أننا نقف، الواجب علينا أن نقف على النص أو عند النص ولا نتجاوز النص. Ça vient du mot وقف، يقف قف، أي le fait de s'arrêter. هذا الباب كباب الأسماء سلام ممشوز. فقوله صفات الله تعالى توقيفية أي لا يجوز الإثبات إلا بنص. سيأتي معنا ما يتعلق بالنفي، يعني التفصيل في النفي إن شاء الله. Ça sera la première règle du chapitre suivant sur les noms d'Allah سبحانه وتعالى et ses attributs. وإلا الإثبات أي pour dire que Allah سبحانه وتعالى إلى تل صفة فلا بد من دليل. قال لا مجال للعقل فيها أي la raison seule في هذا الباب ça suffit pas. Et personne n'a le droit de prétendre أن الله عز وجل إلى تل صفة بمجرد العقل. Alors qu'il n'a pas de preuve min al-Qur'an ou min al-Sunnah. Lakin, il a une approche avec la raison, avec la logique, une déduction. Tout ça, la yajouz. Pourquoi ? Lianna hadha al-bab, c'est des masa'il ghaibiyya. Wa taqaddam ma'ana un kalam jamil li Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi fi hadha. Hay ma yata'allaq bi al-ghaib. أخبر رحمه الله واستفاد ممن قبله من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أنه لابد من ثلاثة أمور. Il faut obligatoirement trois choses pour connaître, pour il avait cité cette كلمة في التكييف. لكن c'est la même chose في الإثبات. عندما تذكرون تفضل. إما برؤية الموصوف. إما بالرؤية. مثلا voir as-sifa. فالإنسان qui a vu tel attribut pour informer qu'Allah il a cet attribut. Zid. نعم. إما برؤية المثل أو المماثل. Quelque chose qui ressemble, qui est identique. فسيل a vu la chose identique, il pourra dire نعم. Cette chose elle existe. لماذا؟ لأنه il a vu la chose identique. تفضل. إما بالنص بالخبر بالإخبار عن. أحسنت. لا شك أن الناس في هذه الدنيا ils ont pas vu Allah عز وجل. Donc on peut pas dire qu'Allah il a telle siva en se basant sur la vue. لأن personne n'a vu Allah عز وجل في هذه الدنيا. ثانيا المماثل هذا لا شك أنه سيباطل لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. Rien ne ressemble à Allah سبحانه وتعالى. On ne peut pas dire qu'Allah il a telle siva en se basant sur une chose identique. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas d'identique. Laysa kamithlihi shay. Baqiya madha baqiya al-khabar. Et hadha al-khabar, c'est cette règle. صفات الله تعالى توقيفية. بس si on a un nas, une preuve, un texte du Coran ou de la Sunna, on pourra dire أن الله عز وجل il a telle sifa. Si on n'a pas de nas, on s'abstient. Si c'est du naqs, fala shak anna on fera al-nafi. لأن الله عز وجل منزع عن النقص والعيوب. Et tout ça, inshallah, on détaillera dans la prochaine règle. Et concernant les noms et les attributs d'Allah عز وجل. قال شيخ العثيمين رحمه الله فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. أولا, vous avez remarqué que شيخ العثيمين رحمه الله il a cité que al-ithbat. فلا نثبت. Il n'a pas parlé de nafi. لماذا لأن النفي فيه التفصيل. النفي يا يفو ديتايي شيخ ابن عثيمين رحمه الله il a détaillé dans la règle suivante dans le prochain chapitre. هذا أولا. فلا نثبت قال لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب أي القرآن والسنة. وهنا لابد من قيد السنة. on est obligé de préciser السنة الصحيحة. السنة الصحيحة. لماذا؟ لأن الحديث الضعيف المعلول من باب أولى المنكر الموضوع لا شك أن سببايت une preuve في هذا الباب في باب الاعتقاد وكذلك في غيره. donc السنة bien sûr c'est الصحيحة. أما الحديث ضعيف et dans ce hadith on a une information أن الله عز وجل il a tel attribut. Faut en prendre en compte si c'est un hadith daïf. لماذا لأن الحديث الضعيف c'est pas من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. بل c'est منسوب إلى الرسول. أي tel rapporteur il prétend que le prophète عليه الصلاة والسلام il a dit cela. لكن si les savants du hadith ils nous démontrent avec preuve que le hadith il y a un défaut, il y a une coupure, il y a une personne dedans qui n'est pas de confiance, il a arrêté, فلا شك أن on prend pas en compte ce hadith. فالسنة c'est bien sûr la sunna as-sahiha. Qala ala thubutih. Ay ala thubut hadhihi as-sifa. Qala al-imam Ahmad rahimahullah. La yusafu Allah illa bima wasafa bihi nafsah aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. La yatajawaz al-Qur'an wal hadith. Unzur al-qa'idah al-khamisah fi al-asma. كلام الإمام أحمد رحمه الله كلام جميل. إلى résumé رحمه الله عقيدة السلف في باب الإثبات avec cette جملة مفيدة. لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه. Ça c'est القرآن الكريم. فكنا كم صفات في القرآن الكريم نثبتها كصفة العلم والقدرة والعزة وصفة الاستواء والوجه واليدين. tout ça نثبت. لماذا؟ لأن on a des preuves في القرآن الكريم من كلام الله عز وجل. أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أي في سنته, في سنته الثابتة الصحيحة. donc toutes les صفات que le prophète عليه الصلاة والسلام nous a informé on accepte. قال لا يتجاوز القرآن والحديث أي on n'a pas le droit de chercher dans autre que le Coran et as-sunna. on n'a pas le droit d'accepter autre que le Coran ou as-sunna via dans le bab. لماذا on répète لأن c'est un bab tawqifi. et vu que هذا الباب c'est من أمور الغيب on n'a qu'un moyen pour connaître certains attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'avec la révélation. et la révélation c'est le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et as-sunna, la révélation qu'il a fait au prophète alayhi salatu wa salam, le Coran ou as-sunna. On n'a que cela. C'est pour ça que l'imam Ahmed قال لا يتجاوز. Et tu ne pourras pas affirmer, pouvoir prétendre que Allah il a telle sifa avec autre que le Coran ou le Sunna. لماذا؟ لأن celui qui informe sans le Coran ou le Sunna via ce bab, en réalité, il يتكلم على الله بلا علم. وهكذا دين الله. On parle نحن الآن في الأسماء والصفات, لكن دين الله سبحانه وتعالى كله إلى مبني على القرآن والسنة. فأنا بالله d'ajouter, d'enlever, d'inventer, de déformer. عيدا بالله. قال ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه. أي في القرآن والسنة tu auras trois façons, trois différentes catégories pour pouvoir dire que هذا الشيء من صفة من صفات الله عز وجل أو هذه الصفة من صفات الله عز وجل. قال الأول التصريح بالصفة, هذا واضح. Tu as un verset من القرآن الكريم أو tu as un hadith من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى إلى تل صفة. قال كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها. هنا بكد أدلة في هذا ولله الحمد. On a étudié ce sifat dans certains livres qu'a al-Iqtisad de l'imam al-Maqdisi rahimahullah et inshallah ta'ati ma'ana vi al-Wasitiyya. Donc al-Izza wal-Quwwa wal-Rahma wal-Batsh al-Wajh al-Yadayn, tout ça c'est des sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala et elles sont citées dans le Coran al-Karim. Al-Thani tadhammun al-ism laha, ay en sifa, elle n'est pas citée clairement, lakin tu trouveras dans le Coran et la Sunna des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ka al-Khaliq, wa al-Aziz, wa al-Sami', wa al-Basir. Et tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont cités dans le Coran ou la Sunna, de ce nom, tu sais, anta kama taqaddam ma'ana, dans une règle, qarja'un uthaymin, undur. القاعدة الثالثة في الأسماء لا توازن رجل في الأسماء أن ما من اسم من أسماء الله عز وجل إلا ويتضمن صفة كاملة. مثلا العزيز quand tu lis dans le Coran ou dans le Sunna le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala العزيز, tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala il a صفة العزة même si elle n'est pas citée, لكن du nom tu déduis que Allah subhanahu wa ta'ala il a cette صفة. وهكذا الخالق وهكذا السميع وهكذا البصير. قال رحمه الله الثاني تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن للمغفرة. فالله سبحانه وتعالى الغفور. On a plusieurs textes في القرآن وفي السنة. هذا الاسم يتضمن صفة المغفرة. فأن دي أن المغفرة من صفات الله عز وجل. تسع لماذا؟ لأن هنا ننكي بخوف هذا. قال والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة في الأسماء. نعم. على première c'est التصريح. على première façon التصريح. بل يداه مبسوطتان. C'est واضح أن الله سبحانه وتعالى il a cité dans ce verset qu'il a deux mains. بل يداه. فأن ديك الله il a deux mains. هذا c'est التصريح. La deuxième façon تضمن الاسم لها أي للصفة. Tu n'auras pas dans ce texte l'attribut cité clairement, لكن tu auras un nom et ce nom il englobe l'attribut. ليس كمثله شيء وهو السميع. فهذا نوع السميع. Et avec ce nom tu peux montrer, ben tu peux affirmer que Allah il a l'attribut de السمع. Allah il entend. لماذا لأنه السميع. Ça c'est la deuxième façon. La troisième التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين الدال عليها على الترتيب إلى آخره. لا تخوزم التصريح بفعل أو وصف أي c'est pas un nom parmi les noms d'Allah سبحانه وتعالى qui est cité dans ce texte, لكن c'est un فعل, une action. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا. ينزل ربنا سما فعل ينزل أي الله في الدسم. فده سفعل أنت تبع الدير تبع أفرمي أن من صفات الله عز وجل أنه ينزل. إلا شك أن هذا الفعل تبقى بخوند مصدر ده سفعل نزل ينزل النزول نزولا. On va dire An-Nuzul, c'est min sifat Allah Azza wa Jal. D'où on a pris hadha l'ism An-Nuzul, hadha l'lav. Il n'est pas cité dans le Coran. Probablement tu ne le trouveras pas dans le Sunna avec hadha ta'bir. Lakin tu as l'action, un verbe. De ce verbe, la shak, c'est une information, Allah il descend. On dira Anna la descente, si tu prends en français, il descend, Allah descend, et tu as l'ism, le masdar, la descente. Enfin, tu diras Allah subhanahu wa ta'ala min sifatihi an-nuzul. هذا. قوله أو وصف دال عليها كالاستواء والنزول والمجيء إلى آخره. Le premier c'est le fi'l et le deuxième c'est un wasf dal. هنا بعض الشراح يقولون أنه اسم الفاعل. نعم إن من المجرمين منتقمون منتقمون. هنا هذا اللفظ صمود خلنا الله سبحانه وتعالى ينتقم منتقمون. De هذا اللفظ tu vas prendre une sifa. Donc que ça soit un fi'l ou اسم الفاعل et on ne détaillera pas. لأن c'est une مسألة في النحو et ربما كثير من الإخوة ils n'ont pas étudié هذا الباب. فعلى كل حال c'est qu'on peut retrouver une sifa d'un fi'l ou اسم الفاعل. Ce qu'il a nommé ici Cheikh Ibn Uthaymeen un wasf. قال on répète الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها أي على الصفة كالاستواء على العرش. نعم قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى. Tu as pas un lafd الاستواء. Tu as استوى. C'est une information. Allah سبحانه وتعالى il a fait ce fi'l استوى. فأنت de ce fi'l tu vas prendre une صفة. Tu vas dire أن من صفات الله عز وجل الاستواء. Tu vas citer un nom. فهذا. قال والنزول تقدم معنا قوله عليه الصلاة والسلام ينزل أي أن الله سبحانه وتعالى chaque dernier temps de la nuit ينزل descend. On va dire من صفات الله عز وجل النزول. نعم وهكذا المجيء والانتقام. شيخ العثيمين قال الدال عليها على الترتيب أي الأدلة qui va citer c'est par rapport à l'ordre qui vient de dire. فمثلا il va commencer par l'istiwa, ثم النزول, ثم المجي, ثم الانتقام من المجرمين. Il va citer pour chacun de ces attributs un dalil. قال قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. On l'a cité. Le deuxième وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. On l'a cité le hadith. قال في الحاشية عن أبي هريرة في الصحيحين رضي الله عنه. Le troisième وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء سان فعل سان فعل هنا عرب جاء وهنا هذا الفعل سي الله سبحانه وتعالى كي لا في وجاء ربك سي الله سبحانه وتعالى كي فيندا اي يوم القيامه وجاء ربك والملك اي ليز انج صفا صفا فقوله وجاء سان فعل دو سو فعل اون برون صفه ان الله سبحانه وتعالى يجي يوم القيامه صفة المجيء سبحانه كما قال شيخ العثيمين رحمه الله والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة. فنحن ندي أن من صفة الله سبحانه وتعالى أنه يجي يوم القيامة. جاء سلفت الدنيا فالله سبحانه وتعالى يفيندر يوم القيامة pour juger بين عباده. أحيانا on traduit pas لأن certaines صفات لأن le sens en français ربما Obama, c'est pas exactement le même qu'en arabe. C'est pour ça qu'on traduit pas tous les attributs. Il va al-ma'ani les sens de ces attributs. Fait qu'après ça, ils sont clairs. Si on cite rien une kalima pour approcher le sens à nos frères qui comprennent pas, fatayib wa illa. Fi hadha al-bab pour le comprendre, il faut la langue arabe. Il y en a la langue française. Tu auras pas toujours le mot adapté au mot arabe. C'est pour ça que ahyanan tu peux pas faire une traduction mot à mot. Comme trouver un mot pour traduire al-istiwa, ça peut être compliqué ahyanan. Ba'dhum ils ont cité des mots et c'était pas cela. Mathalan ba'dhum ils ont traduit al-istiwa par s'asseoir. Mais là al-istiwa c'est pas le fait de s'asseoir là. Al-istiwa en arabe c'est bima'na al-ulu al-fawqiyya. أي أن الله سبحانه وتعالى il est sur son trône. فلهذا si tu l'expliques avec une معنى c'est mieux. بعضهم ils vont dire c'est établi. بعضهم ils vont dire c'est élevé. C'est élevé c'est أقرب. أما les autres traductions tu peux trouver une chose qui va contredire عقيدة السلف ou tu pourras te rendre compte أن ce mot que tu as cité en français في الحقيقة le sens aucun سلف l'a dit. Et هذا الباب c'est خطير. نعم si on cite un sens que les سلف ils n'ont pas dit c'est une porte d'égarement en fait. هذا الباب en langue arabe c'est ahsan bel c'est al-wajib Ah, mais celui qui ne peut pas, voilà, ben, certaines ma'ani en français, comme on essaie de faire ensemble, pour rapprocher al-ma'na. Ou amma traduire tout mot à mot, ce n'est pas la solution. Ahyanan, tu peux. En Allah, il a des mains. Yadan, tu dis deux mains. Ahyanan, c'est wadih. Lakin, ahyanan, ça se complique. Si tu as un doute, ne traduis pas mot à mot. Explique. Explique. Comme l'istiwa. On peut expliquer sans traduire le mot walillahil hamd. Fahada, c'est un tambih pour montrer pourquoi on ne traduit pas volontairement chaque mot. Et kadhalik, c'est pas la solution, comme on l'a répété plusieurs fois, pour talib. Celui qui veut avancer en langue arabe, celui qui veut progresser dans son din, on est tous d'accord, c'est avec la langue arabe. Le Coran, il est en langue arabe. Sunnat al-Nabi, c'est en langue arabe. Les savants, ils parlent en langue arabe. Les livres, on les a en langue arabe à la base. Enfin, si tu veux progresser dans ton din, une des clés, c'est la langue arabe. Enfin, c'est pas une solution de tout traduire en langue arabe. Khassatan avec des frères, walillahi alhamd, qui font des efforts en langue arabe, qui commencent à avoir des bases, qui comprennent certains mots, qui veulent apprendre, fa'ha'oula, si tu leur traduis tout, fa'l-haqiqat, tu les ralentis dans leur progression. Ben, tu les freines. Ben, c'est pas la solution. Là, ça peut être un moyen pour vraiment un débutant qui vient de rentrer dans le dîn et qui comprend rien à l'arabe, lui expliquer certaines choses en français au départ, on n'a pas le choix. Là, avec des frères, walillahilhamd, comme cette assise, la plupart des frères, walillahilhamd, ben, tous les frères, ils font des efforts dans la langue arabe et ils comprennent un minimum. Fa, alhamdulillah, on s'entraide en essayant de citer les deux langues. Et vous avez remarqué que la base, c'est la langue arabe. On lit le kalam en langue arabe et on ne traduit pas tout. Walillahilhamd. Et fi bab as-sifat, c'est ahem. Amma, dans certains durus, ça peut être moins dangereux, entre guillemets. Amma fi bab as-sifat, c'est wa'adunnas in harafu dans la langue arabe. Ils ont expliqué avec la langue arabe, ils ont cité des mots dans la langue arabe, in harafu. Et ils sont restés dans la langue arabe. Amma, avec une autre langue, ça peut très vite, ayyadun billah, déstabiliser celui qui entend. Il comprend des choses, fil haqiqa, avec les mots que tu cites dans une autre langue. Et c'est pas ce qui est cité dans le Coran ou dans la Sunna. L'insan yantabih la yatawassa' fi hadha al-bab, avec les traductions ila akhir. Et vous avez remarqué, comme on a déjà cité plusieurs fois avec nos frères, en traduire fi hadha al-bab bab al-asma wa sifat, fil haqiqa, ça complique plus qu'autre chose. C'est pour ça que si tu lis ce livre très simple de Cheikh Al-Uthaymeen avec une explication simple, tu comprendras walillahi alhamd, comme c'est le cas de nos frères ici. Si tu viens à traduire ou à lire les traductions, certaines traductions de ce livre, wallahi, les traductions sont plus compliquées que l'asl. Limada? Lianna, il y a shay min at-takalluf, la méthodologie, fil haqiqa, elle n'est pas bonne. Allahu a'lam, les intentions, il a akhari. Wa illa, va simplifier ce livre avec une explication, c'est anfa. C'est anfa. Amma, mujarrad, une traduction avec des mots compliqués, plus compliqués qu'en arabe. Et hatta les francophones, ils ne les comprennent pas. Et là, avec des recherches, il a akhiri. Il se concentre sur la langue arabe. Au lieu de faire des recherches en langue française et faire des efforts, fais des recherches dans la langue arabe. Hatta tafham. Et alhamdulillah. Ce livre, il a été expliqué plusieurs fois et simplement par plusieurs frères. Walillahi alhamd. Qawluhu inna min al-mujrimina muntaqimun. Nafs al-shay. Muntaqimun. Tu prends de hadha al-wasf an Allah subhanahu wa ta'ala yantaqim min al-mujrimin wa bihadha antahina min hadhihi al-qawa'id wa lillahi al-hamd qawa'id as-sifat. Et il reste un peu de temps, enfin on révise ces 7 règles hatta la prochaine fois, le prochain cours jeudi. On commence la lecture du dernier chapitre, le troisième, ou l'avant-dernier plutôt. Le premier chapitre, c'était sur les noms. On a étudié 7 règles ensemble, on les a révisées, elles sont comprises. Le deuxième chapitre, on vient de le finir. 7 règles dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va réviser pour que ça soit encore mieux compris. Le dernier chapitre qu'on étudiera ensemble, des règles dans les noms et dans les attributs. Et vous verrez que ça sera des choses qu'on a déjà vues ensemble et il y aura des choses qu'on n'a pas vues. Fa, alhamdulillah. Al-qa'idatu al-oula indaman. Fattal. Il y a أحسن. صفات الله تعالى كلها كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ما معنى هذه القاعدة باختصار؟ عندما توضب نعم، فصفات الله سبحانه وتعالى كاملة، يا aucun نقص، aucun manquement، aucune imperfection، aucun défaut. عز وجل. القاعدة الثانية عندما تفضل. أحسنت. باب الصفات أوسع من باب الأسماء. ما معنى هذه القاعدة؟ تفضل. نعم، أن باب الصفات لا شك أنه أوسع من باب الأسماء. لماذا؟ لأن كل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة ولا عكس، فباب الصفات il est beaucoup plus large que باب الأسماء. من أدلة هذا كذلك أو pour argument أكثر la septième règle qu'on vient d'étudier ensemble. أن الصفات tu peux avoir un nom صريح كذلك avec un اسم لا شك que tu auras une صفة et كذلك avec الأفعال. أما الأسماء لا، il faut qu'un nom صريح avec un nom. Ça montre que باب حتى في الدلالة أي من حيث الأدلة لا شك أن باب الصفات il est beaucoup plus vaste. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité trois façons. أما باب الاسم توقيفي، إما tu as un دليل إما tu n'as pas de دليل. هذا بعد ذلك عندما تفضل. صفة الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. نعم، القاعدة الثالثة أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. العلماء يسيت أن أوتر لفظ بور سلبية أحيانا، ما هو؟ أحسنت، منفية. ثبوتية ومنفية أو سلبية كما قال هنا. ما معنى هذه القاعدة؟ تفضل. صفات الله من صفات الله تعالى ما أثبته، يعني ما أثبتها الله عز وجل هي الصفات الثبوتية ومنها ما نفاها. فالثبوتية أي ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه كصفة اليدين والعلم والقدرة إلى آخره. أي ندير نحن كالله لا صفة. Pourquoi ? Parce qu'on a un délit من القرآن ومن السنة. والسلبية المنفية أي ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه أو رسوله عليه الصلاة والسلام. مثل ماذا؟ avec un دليل. ها تفضل. ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. السميع البصير. فما نفى عن نفسه؟ لا ممثل لي. نعم، من صفة أوضح. الذي لا يموت نفع عن نفسه الموت عز وجل. فالله سبحانه وتعالى إمخبا. نعم، هذا واضح. الرابعة أو قبل ذلك ونعطي قليلا في هذا، في الثبوتية نسيت أو لا بأس، عندي غابت خطاب الأولى بس. الرابعة عند من؟ نعم أتفضل. الصفات الثبوتية كلها صفات وضح وكمال. نعم، كلما تنوعت وكلما تكثرت وتنوعت دلالتها يعني يكون كمال على كمال. نعم، ظهر كمال الموصوف أكثر. ما معنى هذه القاعدة؟ زيد. الصفة كاملة، فإذا زدنا عليها صفة كاملة فيكون كمال على كمال. نعم، هذا تستفيد أن تنوع الصفات وكذلك كثرة الصفات في القرآن والسنة ينفع فائدة عظيمة. أنها بيان سور سي توس دي صفات كاملة، كذلك كلما كثرت وتنوعت كما قال شيخ العثيمين فيظهر الكمال أكثر. وهذا ولله الحمد. On avait lu Kalam Shaykh Ibn Uthaymeen, très simple في هذا. الخامسة عندما تفضل. خمسة أن صفات الله تنقسم إلى قسمين، فعلية ذاتية وفعلية، صفات ثبوتية. أحسنت، الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. ونبي فان تنبيه على هذا التقسيم، ما هو؟ هذا مهم. يعني avant de détailler, il faut comprendre أصلاً pourquoi العلماء يسيت ces catégories. تفضلوا عندما أحد فضل. لا يوجد تقسيم عند السلف قبلنا. العلماء العلماء جهلوا هذا التقسيم لأن بعض أهل البدع نفوا بعض الصفات. نعم، أن هذا التقسيم أصلا يبقى الدليل على هذا السلف اللي لم جامل ستة، لكن كما قال الشيخ العثيمين وغيره عليهم رحمة الله أن هذا من باب البيان والرد على المخالف، وإلا كو سوا الصفات الذاتية والصفات أو الصفات الفعلية فالصفات الله عز وجل. السلف إذن جامل دي تل صفات ذاتية l'autre sifa c'est une fi'liya. Lakin vu qu'un qawm il est apparu ba'da dhalik, ils ont rejeté certaines sifat, limadha li anna c'était des af'al, fa al ulama ils ont qassam pour montrer anna al jami' jami' hadhihi sifat, si on a un dalil fa nuthbituha lillah azza wa jalla. Et kadhalik autre chose, anna hadha al taqsim satastafid minhu mata, 'inda qira'at kalam al ulama. Tu as besoin de هذا التقسيم. وإلا فسي الشيخ ابن عثيمين هنا مثلا رحمة الله عليه لو سيتي دو نو با لو سيتي اي لو سيتي ان اوتر كلام، فربما انت لما تقرا كلام اهل العلم صفه ذاتيه صفه فعليه tu n'aurais pas compris. Parce que ce livre c'est un livre de قواعد de base pour t'aider à comprendre les livres des imams de la sunna. خاصة كتب شيخ الاسلام ابن تيمية et son élève ابن القيم عليهم رحمة الله et d'autres savants bien sûr. فهذا وإلا هذا faut bien le comprendre. أن هذا التقسيم c'est pour montrer فقط et pour répliquer. فلو الضلال ils se sont pas égarés via هذا الباب فالعلماء ils n'auraient jamais cité هذا. Ils seraient restés comme ils étaient à l'époque des salaf. Comme à l'époque des sahaba رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم. لكن أحيانا العلماء ils sont obligés de détailler, de citer des catégories pour répondre et pour montrer l'égarement de certains groupes. فَمَا هِيَ الذَّاتِيَ تفضل. الذاتية هي التي لم يزال ولا يزال متصفا بها. ما معنى هذا؟ معناها أن هذه ما معنى لم يزل؟ لم يزل الله عز وجل عنده هذه الصفات دائما ولا يزال ولا منتهى لها. ما معنى لم يزل ولا يزال؟ C'est comme tu as dit, la question plus précise, tu vois, Dal? Ahsan, na'am. Al-sifat al-azaliya, et qui n'ont pas de début. Lam yazal, et il l'a toujours eu. Il n'y avait pas un moment dans le passé, où il n'avait pas cette sifat, summa il l'a eu. Là. Lam yazal, wala yazal, et il l'aura toujours. Il n'y aura pas un moment qui viendra, en Allah, il n'aura plus cette sifat. Fa'hada ma'na qawlik da'iman. Et toujours. Que ce soit dans le passé ou dans le futur, Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours eu as-sifat al-dhatiyya. Ou al-fi'liyya, ou un mithal, qabla dhalik, al-dhatiyya, continue. Sifatu al-haya. Sifatu al-haya. Na'am, al-haya, bitta, na'am. Al-fi'liyya, indak? Al-fi'liyya, hiya sifat al-lati tanfaq, al-ibna al-jawjal, wa hiya muta'liqat al-mashiyya. Na'am, hiya al-lati تتعلق بالمشيئة. ما معنى تتعلق بالمشيئة؟ الله عز وجل يفعل متى شاء ومتى يشاء. نعم، إذا شاء فعلها وإذا لم يشاء لم يفعلها. سيسا متعلقة بالمشيئة. الصفة والفعلية سي ان فعل سي ان اكسيون اي سيت اكسيون الله سبحانه وتعالى سي فو لا في سي فو نو لا في با اي كونت لا في سي لا بيرفيكسيون كونت لا في با سي لا بيرفيكسيون. وهذا مثل صفة ماذا؟ نعم، مثل صفات النزول والكلام إلى آخره. السادسة تفضل. يلزم في إثبات صفة الله تعالى تقريبا محذورين اثنين، أولهما التمثيل والثاني التكرار. Donc, après avoir détaillé fi al-ithbat, Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, il a cité cette qa'ida pour démontrer que hadha al-ithbat, que ce soit sifat al-dhatiya ou al-fi'liya, on doit faire attention deux égarements. Al-tamthil ou al-takif. Ma ma'na al-tamthil, عندك أحسنت أنها مماثلة لصفة المخلوق أي وجه الله كوجه البشر مثلا celui qui dit cela ou qui pense cela عياذا بالله فوقع في التمثيل والتكييف ما معنى التكييف أن تجعل صفة الله كيفية إما بالمماثلة إما بأوصاف جئت بها من نفسك هذا هو الفرق يذكرون بين التكييف والتمثيل أن يجعل لهذه الصفة كيفية avec une description إما avec la langue إما avec le cœur إما avec عياذا بالله il écrit أن صفات الله عز وجل كذا وكذا elles sont il donne une description فهذا هو التكييف et c'est très très grave on a fait une remarque importante في التكييف لا هذا سهل هذا الأخ إلا دي في التعريف تفضل أخي ليس بمعنى لا نعرف الكيفية أن الله زي ما عنده كيفية أحسنت أن النفي هنا نفي التكييف نفي علمنا نحن أي سي نو كي كونيسون با لو تكييف سا فو با دير كيل نيا با دو تكييف وإلا فما من موجود كما قال العلماء إلا وله كيفية Et vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala est maujoud et ses sifat sont maujoud, la chèque qui a un comment. Lakin nahnu l'ignore. Et on revient à la parole de Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, an al-kayfiyya, pour la connaître, il faut imma avoir vu, l'identique, imma une information. Ça montre qu'il y a une kayfiyya. Lakin vu qu'on n'a pas vu Allah, vu qu'Allah il n'a pas de semblable, et vu qu'on n'a pas d'information, fa nahnu bi hadha al-bab, on dit Allahu a'lam. Fa tamthil. ننفي لماذا لأن c'est pas possible الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فهي pas de تمثيل أصلا c'est du كفر أما التكييف نحن on se prononce pas لماذا لأن on ignore on n'a pas d'information في هذا الباب وإلا فالله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه إلا شك أن هذه الصفات لها كيفية لكن نحن نجهلها فهذا خلاصة هذه القاعدة السابعة ولله الحمد On vient de l'étudier ensemble. On avait parlé de résumer هذه القواعد dans un tableau. Et en fait, le tableau que les frères m'ont envoyé, il est simple, il est طيب. Mais on peut rajouter une chose. Vous recopierez le tableau que vous avez. C'est plutôt un schéma. Et on peut rajouter, nous, le tableau. Je peux le faire en deux branches principales. La première, min hayth al-ithbat wa al-nafi. C'est le tableau que vous avez. Thubutiyya, manfiyya wa thubutiyya se divise dhatiyya, fi'liyya et dhatiyya en deux. Khawariyya, sam'iyya wa aqliyya, ma'nawiyya. Ça, c'est cette partie que vous avez, antum. L'autre partie, min hayth al-kamal. Et on n'a pas détaillé dans la révision et on peut détailler Al-An. Donc, il y a deux choses qu'on n'a pas détaillées dans la révision. Et c'est important. Et qu'on va détailler Al-An ensemble, Inch'Allah. Ou qu'on va réviser plutôt ensemble. La première, c'est Al-Nadhatiya Tanqassim ila Qismain Kadalik عند أهل العلم. Al-Ma'nawiyya Al-Aqliya et Al-Khabariyya Al-Sam'iyya. Alors, on l'a vu dans les deux autres. La deuxième chose qu'on n'a pas détaillée, أن الكمال إما سنكمل مطلق فلا شك أننا نثبت إما سنقص مطلق le contraire du كمال كالخوف والنوم والموت فهذا ننفيه مطلقا إما كمال مقيد أي في المقابلة مثلا الله سبحانه وتعالى يمكر بالماكرين si vous avez compris هذا فال tableau ça va te donner donc deux branches principales la première هنا vous voyez pas la première Ah, on peut le faire. Ça va vous donner deux branches principales. As-sifat. Vous faites votre tableau comme ça. La première, هنا لا première branche لا deuxième هنا هنا من حيث الإثبات والنفي ثم هنا الكمال والنقص تمام هكذا ثم تغبر هكذا هنا تغبر هكذا من حيث الإثبات الثبوتية المنفية ثم تغبر هكذا هنا الثبوتية tu as al-dhatiya et tu as al-fi'liya. Non. Hona, on n'a pas besoin. Hona, il y a des détails kadhalik, on ne les citera pas. Thumma hona, al-dhatiya, on a dit al-khabariya, al-sam'iya et al-aqliya, al-ma'nawiya. Tamam. Hona, كمال مطلق كالحلم نقص مطلق الموت كمال مقيد المكر هنا بضبط بتخطأ هنا ثاني اعتبار الكمال والنقص فالكمال والنقص أي quand tu as une صفة كاملة مطلقا bien sûr tu auras un دليل فتثبتها لله العلم لا سيان نقص مطلق الموت تنفيه كمال مقيد أي c'est une صفة elle est pas كاملة مطلقا elle est pas parfaite dans tous les sens لكن في المقابلة elle est parfaite ففي هذا الحال نثبتها ما معنى في المقابلة ها تفضل المقابلة من يعامل فاعله بمثلها أحسنت فالله سبحانه وتعالى يمكر بالماكرين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فعند المقابلة أي كنت واحد يغوز الله سبحانه وتعالى يمكر به ففي هذا الحال سيدي كمال لماذا لأن صمود خلنا الله سبحانه وتعالى يستو أن الله سبحانه وتعالى يكبب de répondre à hada shakhs et Allah subhanahu wa ta'ala yamkur bihi, il fait ce qu'il veut avec cette personne, ça montre la perfection. On a vu d'autres exemples que Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité rahimahullah dans la première qaïda sur sifat al-kamal. Hada huwa qawluhu kamal muqayyid ay inda al-muqabla. Amma inda al-itlaq on dit pas anna min sifat illahi azza wa jal al-makr. Hada la yajouz. Là, on dit Allah subhanahu wa ta'ala yamkur bil makirin. T'es obligé de citer le muqabil. La créature, un être humain, il fait du makr, il veut ruser, il a akhiré. Allah subhanahu wa ta'ala yamkur bil fi hadha al-hal, c'est du kamal. Fa hadha intahayna. Wa hadhi al-jiha, al-ithbat ou al-nafi, al-manfiya, les détails ici, ou plutôt, huna. Huna. Mais c'est même pas huna an-naqs al-mutlaq ma'ruf. Tu auras une autre chose qu'on peut mettre ici ma sukita an. Hada c'est important, c'est la règle de la semaine prochaine inshallah. Mathalan al-jiha. On aurait pu même le mettre ici. Lana hada c'est min hayth al-kamal an-naqs, n'am. On aurait dû le mettre ici. Ahsan. Tu as des sifat thubutiyya. Allah subhanahu wa ta'ala il a du ilm, il a un visage, il a akhir. Tu as des sifat manfiyya. Allah subhanahu wa ta'ala, il meurt pas, il dort pas, il a pas peur, il a akhiri. Tu as des sifat, on n'a pas de délil ala l'ithbat, on n'a pas de délil ala l'nafi. Mathalan, al-jiha. Al-jiha, c'est la direction. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala yusuf bil-jiha? Vous verrez que là, l'ulama, il cite un tafsir. Si al-jiha, c'est bien ma'na, mathalan, al-ulu ila akhiri, al-ulama, ils te diront, utilise le mot qu'il y a dans le Coran ou le Sunna, et le sens, il est juste. Si c'est autre chose, tu verras que l'ulama y mettront en garde. C'est pour ça que هذا الباب est important et ça sera notre درس de la semaine plutôt de jeudi inshallah. Amma al-dhatiyya al-khabariyya al-sam'iyya. هذا واضح on avait dit Cheikh Ibn Uthaymeen il a facilité بالنسبه لنا اجزاء واضعاف وليس كمثله شيء كاليد واليدين والوجه والاصابع الى اخره. هذه العقليه المعنويه اي سين معنى Et en général, le aql, il ne la rejettera pas directement. C'est pour ça que Ahlul Bid'ah, ils les ont acceptés. Qu'al-ilm ou al-hayat ila akhir. Et al-fi'liya, falhamdulillah, c'est clair. Ce tableau, l'aqiqa, ça récapitule les règles qu'on a vues ensemble. Recopiez-le. Et antum, vous aviez cette partie, fima athkur, vous aviez hadi, hadi, hadi, et ces deux. Je ne sais pas s'il y avait ces deux. Moi, vous rajoutez à dhatiya, si c'était khabariya, sam'iya, aqliya, ma'nawiya, vous faites une petite ishara entre thubutiya et menfiya, anna ba'd al-alfaz, maskout anha, comme al-jiha, comme d'autres qu'on verra ensemble. Et l'i'tibar al-thani, il est important, vous ne l'avez pas dans votre tableau, fa vous le rajoutez. Vous rajoutez, min hayth al-kamal wa al-naqs, fa kamal mutlaq, wa naqs mutlaq. On aurait dû le naqs mutlaq, si vous le mettez à l'opposé de hada, ahsan. Kamal, naqs. Hada, ça va ici. Lien hada, c'est l'opposé de hada. Et entre les deux, c'est kamal min jiha, naqs min jiha. Ça va vous donner comme ça. Hadi. Allez, kamal min jiha, naqs min jiha. Hadi, vous la mettez au milieu. Et, walillahi alhamd, vous avez compris avec le dars, c'était quoi la ma'na. Ce tableau, si quelqu'un l'a recopié, et inshallah. Vous le faites passer. Tfadal. Non, هذا on n'a pas besoin de mettre dans le tableau. واضح. هذا c'était pour les prochains cours. Nous on avait fait un tanbih فقط pour que vous ne pensiez pas que fi'liya ça veut dire qu'Allah il les avait pas avant. Là, la fi'liya, la shak min i'tibar al dhatiya et tout ça on l'a détaillé dans le dars. هذا Lakin dans le tableau, alhamdulillah, hada, tu n'as pas besoin. Si pour te rappeler, tu mets une note. Lakin le tableau qui reste hakada khafif, c'est mieux. Amma les détails, on pourrait détailler. Les détails, c'est les durus. Ce tableau, faqat, c'est pour te faciliter à bien comprendre thubutiya, manfiya, khabariya, ma'nawiya, sam'iya, aqliya, kamila, naqisa, muqayyada, ay bil muqabala wa hakada. C'est pour te faciliter hada. Wa illa, celui qui a compris les durus, le haqiqa, et Atqanaha, il peut refaire ce tableau, bisouhou là.